saluons chacun de vous, nom de Jésus-Christ. Vous êtes fatigué. Et tu m'as choqué. Levons-nous pour la lecture de la parole de Dieu. Tu sais, mais Dieu a consommé l'ennemi de la mungu. Nous te disons merci, Père Céleste. Tunasema santi baba wa kumbingu. Pour une journée que tu nous as donnée dans ta présence. Dia jioni mzuri utupatia mwepo wako. Sois avec nous, Seigneur. Upate kuwa nasi Bwana. Depuis le matin, on était ici. Tangia asubuhi tulikuja hapa. Quelques prières t'ont été adressées. Maombi fulani ilikupewa. Comme tu nous as donné des oreilles. Vile ulitupatia masikio. Pour entendre les voix des gens. Tu as kusikia masauti ya watu. Tu as aussi des oreilles pour écouter notre prière. Nawe ukuna masikio ya kusikia maombi zetu. Nous avons pleinement confiance en toi. Tunakutumainia kabisa. Que ta parole est la vérité. Ya kwamba neno lako ni kweli. Tout ce qui est sorti de ta bouche s'accomplira. Ile yote ilitoka mukinywa yako itatimilika. Parce que tu as dit. Kwani wewe ulisema. Lorsque vous priez. Ulisema kwamba wakati munaomba. Croyez de tout votre cœur que votre prière a été exaucée. Mwamini na moyo wenu wote ya kwamba maombi yenu inakubaliwa. Et vous le verrez s'accomplir. Mutaiona kutimilika. Répond à chacun de nous selon sa foi. Ujibu kwa kila mmoja wetu kufuatana na imani yake. Parce que toi tu es terrible. Kwani wewe kwa kushangaisha. Parmi les saints. Katikati ya bateule. Merci Seigneur Jésus. Asante Bwana Yesu. Bénis ton serviteur que tu as utilisé. Mbariki mtumishi wako ule ulitumikisha. Pour nous conduire dans la prière. Jia kutuongoza maombi. Et soit avec nous ce soir. Na uwe tena nasi mangaribi ya leo. Au nom de Jésus-Christ. Mujina ya Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amina. Daniel 9. Danieli sura yake ya kenda. Verset 24. Mustari ya makumi mbili na ine. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Majuma makumi saba iliwekwa yulu ya taifa yako na yulu ya mji wako takatifu. Pour faire cesser les transgressions. Jia kusimamisha kufunja kwa sheria. Et mettre fin au péché. Na jia kumaliza zambi. Pour expier l'iniquité. Jia kuondoa uovu. Et amener la justice éternelle. Na Dieu a kuleta waki wa milele. Pour sceller la vision et le prophète. Dieu a kutia muri ono na nabii. Et pour oindre les saints des saints. Na Dieu a kumpaka mafuta mutakatifu wa batakatifu. Vous pouvez vous asseoir. Munawezi kuikala. Nous avons clôturé Turimaliza le deuxième point hier. Nukta ya pili jana. Après avoir fait cesser les transgressions. Kisha yeye kusimamisha kuvunja kwa sheria. Et mettre fin au péché. Na kisha kumaliza zambi. Il va expier l'iniquité d'Israël. Ataondosha uovu wa Israeli. Nous avons dit hier que le plus grand péché mortel qu'Israël avait commis. Turionesha jana ya kwamba zambi moya munene na ya kufa ile Israeli alitenda. C'était son incrédulité de ne pas croire que Jésus était le Messie. Ilikuwa ni kutokuamini kwa kukosa kuamini ya kwamba Yesu Kristo alikuwa Masia wabo. Et dans leur incrédulité, ils l'ont rejeté. Na mukutokuamini kwabo bali mukatala. Et ils l'ont même tué. Na balimuua. Malgré cela, Dieu était obligé de les pardonner. Ata vile Mungu alilazimisha awahurumie. Parce que celui seul qui les avait aveuglés pour que le salut soit accessible aux nations. Kwani ni yeye Mungu peke yake ndio alibapofushwa juu ya wokovu ipate kuenda kubatu ya mataifa. C'est pourquoi Dieu tient à les sauver encore une fois de plus. Kwa maana Mungu anashika mipango ya kubaokoa tena mara nyingine. Et pour clôturer cette pensée, nous avons dit ceci. Je vais commencer à ouazo, tu le sais, Maïvi. Nous, en tant que peuple des nations, si si ça watu yamataifa, nous ne pouvons pas nous mettre à la place d'Israël. Atuwezi kamwe kujiweka pafazi ya Israeli. Et penser comme Dieu a agi ainsi avec Israël. Na kuwazia sema vile Mungu alitenda muinda mna na batoto ya Israeli. Il agira de la même manière avec nous. Atatenda hivyo hivyo na sisi. Nous avons montré hier que non. Tulionesha jana kwamba kamwe Mungu hawezi kufanya vile. Nous sommes deux peuples différents. Sisi tuku mataifa mbili ya kuachana. Avec deux alliances différentes. Na maagano mbili ya kuachana. Pour Israël, Dieu prend la charge de les sauver. Kwa Israeli, Mungu anachukua buzito bwa kubaokoa. Parce que c'est lui-même qui les avait aveuglés. Kwani ni yeye Mungu mwenyewe alibapofushwa. Et deuxièmement, Israël. Na cha pili Israeli a rejeté son Messie avant le sacrifice expiatoire. Arikata la Masia wake mbele ya sadaka ya ondolea zambi kutolewa. Mais pour nous les nations, lakini kwetu sisi batu ya mataifa, c'est nous-mêmes ni sisi wenyewe volontairement qui rejetons la parole de vérité. Kwa kusudi ndio tukunakataa neno la ukweli. Ce n'est pas Dieu qui nous aveugle. Aina Mungu la natupofusha apana. Par orgueil. Kwa kiburi tu na kibengo. Parce qu'on désire. Kwani tunatamani. Avoir quelques profits auprès de quelqu'un. Kupata mufaida mbele ya mtu fulani. On rejette la parole de Dieu. Na tunakatala neno la Mungu. Et nous péchons. Na tukunatenda zambi. Après que le sacrifice soit offert. Kisha sadaka kutolewa. Nous prêchons après avoir eu la connaissance. Tukunatenda zambi kisha sisi kujua. Et quand quelqu'un pêche. Wakati ile mtu anatenda zambi. Non par ignorance. Aina juu ya kukosa kujua. Mais avec connaissance. Alakini kisha yeye kujua. Après avoir reçu la connaissance de la vérité, ukweli, il n'y a plus de sacrifice pour lui. Manake kwake yeye hakuna tena sadaka. C'est pourquoi Jokwamana, ne nous trompons pas. Tushidilande. La grâce est grâce. Nema iku nema. Si nous la recevons comme grâce. Kama tunaipokea sawa nema. Mais pour Israël, alakini kwa Israël yeye, après avoir fait cesser leur transgression, kisha kusimamisha kufunja kwao kwa sheria, et arrêter leur incrédulité, na kusimamisha kutokuamini kwao, troisièmement, il va expier leur iniquité. Cha tatu, Mungu ataondosha uovu yabo. Qu'est-ce que c'est l'iniquité? Uovu maana yake ni nini? L'iniquité, uovu, c'est faire ce qui est mal comme les Juifs l'ont fait à la croix. Ni kufanya kibaya paka vile Bayuda walikifanya msalaba. L'iniquité, Uovu est un acte mauvais. Ni kitendo kibaya. C'est connaître la vérité. Manaki niwe kujua tu ukweli. Et ne pas le faire. Alakini unakatala kuitenda. Tu sais que ça c'est la vérité. Unayua sema hii ni ukweli. Mais à la moins dans ton orgueil, alakini mukiburi yako na kibengo yako, tu refuses de le faire. Unakatala kuitenda. Tu connais la vérité. Unayua ukweli. Dans ton orgueil, tu refuses de la vivre. Mukibengo yako unakatala kuishi. Ça c'est l'iniquité, c'est un péché. Ile njo uovu ni zambi. Dans Jacques au chapitre 4. Yakobo sura yake ya 4. Dans le verset 16 à 17, nous lisons ceci. Mustari ya 16 kufika na 17. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Lakini hapo sasa mnajitukuza mu mawazo yenu ya kiburi. Ces choses mauvaises, ni kitu kibaya, de se glorifier de la sorte. Ya kujitukuza mu ile namna. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Ule basi ula anajua kutenda kitendo kizuri, alakini ashitende kitendo kizuri anatenda zambi. C'est une très mauvaise chose. Ni kitu kibaya sana. De se glorifier dans les pensées orgueilleuses. Ya kujitukuza mu mawazo ya kiburi. Quand on sait la vérité, wakati ile unayua ukweli, on sait ce qu'on doit faire, unayua kile unawezi kufanya, on sait ce qui est bien et ce qui est juste, unayua kizuri na cha kunyoloka, mais vous refusez de le faire. Lakini unakatala kukifanya. C'est un péché. Ile ni zambi. C'est de l'orgueil. Ni kiburi ni kibengo. Et Dieu n'aime pas cela. Na Mungu naye ashipendake vile. Tu sais que voler est mauvais. Unayua sima kuiba ni mbaya. Mais dans ton orgueil. Alakini mukiburi yako. Vous volez. Unaenda kuiba. Tu sais que commettre adultère est mauvais. Unayua sima kutenda usherati ni mbaya. Dieu l'interdit. Mungu anaikataza. Mais toi tu le fais. Alakini weye unaifanya. Seulement dans ton orgueil. Mu kiburi yako, kibengo yako. Tu sais que s'habiller indécemment c'est mauvais. Unayua sima kuvala bya kosa heshima ni mbaya. Dieu l'interdit. Mungu anaikataza. Mais toi dans ton orgueil. Weye mu kiburi yako mule. Tu le fais. Unafanya ta vile. Tu pêches. Unatenda zambi. C'est de l'iniquité. Ile njo uovu. On vous enseigne. Bana kufundisha. Par la voix de la parole, on vous dit qu'une femme doit être naturelle. Mais dans ton orgueil, tu mets des artificiels partout pour ressembler au monde. C'est de l'iniquité. Vous péchez. Dans Jean, 1 Jean au chapitre 5. Premier Jean au chapitre 5. Yohane wa kwanza sura 5. Dans son verset 17. Mustari ya 17. Toute iniquité est un péché. Uovu yote ni zambi. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Na kuku zambi fulani yashipo kupeleka kulufu. Toute iniquité est un péché. Uovu yote ni zambi. Et il y a un tel péché qui ne mène pas à la mort. Na kuku zambi ya hii namna ya sipo kupeleka kulufu. Israël savait pas la loi de Dieu. Israël alijua kupitia njia ya Mungu. Que tuer un homme sans cause, ya kwamba kuua mtu wasipokosa, est condamnable. Inahukumiwa. Israël le savait. Israël alijua vile. Mais Israël l'a fait. Alakini Israël alifanya. Sur Jésus-Christ le juste. Le Christ est avec moi. Yulu ya Yesu Christ mwenye waki wasipokosa. Tous les Juifs savaient que tu ne peux pas répandre le sang innocent. Ya kwamba hauwezi kumwanga damu ya mtu wasipokosa. Un homme qui n'a rien fait. Mtu ashikufanye kitu. Mais vous le tuez. Alakini unamuua. Vous répandez son sang. Unamwanga damu yake. Est condamnable. Il le savait. Dieu condamne cela. Yenye kuhukumiwa Mungu anayuhukumu. Mais dans leur aveuglement, upofusho yabo. Ils ont tué Jésus le juste. Balimuua Yesu mwenye haki wa kunyoloka. Sans cause. Bila sababu. Ils ont commis l'iniquité. Baritenda uovu. Dans Lévitique au chapitre 19. Mwalawi sura 19. Dans Lévitique. Mwalawi. Au chapitre 19. Sura 19. Dans son verset 16. Mustari ya 16. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Hawezi kama kusambaza masingiziano katikati ya taifa yako. Tu ne te leveras point contre le sang de ton prochain. Hawezi kulamuka kumbanisha damu ya ndugu yako. Tu ne peux pas tuer. Hawezi kama kuua. Tu ne te leveras pas contre le sang de ton prochain. Hawezi kuua ndugu yako. Je suis l'Éternel. Mimi ni wa milele. Israël connaissait cette loi. Israël alijua mzuri sheria. Mais dans leur aveuglement, alakini mukupofushwa kwabo, ils ont tué Jésus innocent. Balimuua Yesu wasipokosa. Dans Psaume 94. Zaburi makumi tisa na ine. Dans son verset 21. Mustari makumi mbili na moja. Il se rassemble contre la vie du juste. Banajikusanisha jaukombanisha bujima wa mwenye yake. Il se rassemble banakusanika. Banakusanika contre la vie du juste. Jakuwa mwenye yake. Contre la vie du juste. Ya kukombanisha bujima wa mwenye yake. Et il condamne les sang innocents. Na bana hukumu damu ya mtu asipokosa. Israël. Israeli. Ce jour-là à Jérusalem. Il est siku ku Yerusalem. C'était rassemblé. Marikusanika. Pour accuser les justes. Jakumustaki mwenyeaki. Ils se sont rassemblés. Marikusanika. Pour condamner. Jakumukumu. Les sang innocents. Mukumu damu yasipokosa. Et pourtant il le savait. Japo balijua. Cela a été consigné dans leur loi. Il est quoi yenye kuandikwa musheria yao. Même dans la Genèse. Hata mumwanjo. Au chapitre 9 verset 6. Sura kenda mstari ya 6. Dieu avait dit ceci. Mungu alisema hivi. Si quelqu'un verse le sang de l'homme. Kama mtu akimwanga damu ya mtu. Par l'homme son sang sera versé. Kupitia mtu damu yake na. Car Dieu a fait l'homme à son image. Kwani Mungu aliumba mtu kwa mfano yake. Depuis la Genèse, tangia mwanjo, Dieu a interdit Mungu alikataza aux hommes de verser le sang. Kwa watu kuwana kumwanga damu. Parce que parmi toutes les créatures, katikati ya biumbe biyo, il n'y a que l'homme qui est fait à l'image de Dieu. Kwa mfano ya Mungu. Israël savait. Israël alijua vile. Mais dans leur aveuglement, ils condamnèrent le sang innocent. Dans Deutéronome au chapitre 19, Kumbukumbu la Torati 19, dans son verset 8 à 10, Musaria, munani, kufika na... lorsque l'Éternel ton Dieu aura élargi tes frontières, wakati wa milele, Mungu wako atanenepesha mpaka yako, comme il a juré à tes pères, na baba zako, et qu'il t'aura donné tous les pays qu'il a promis à tes pères de te donner, na, kisha yo kupatia inchi ila laka kwa baba zako ya kwamba atakupatia, pourvu que tu observes, isipokuwa tu uheshimie, et mettre en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, na kutumikia amri yote ila nakuandikia leo, en sorte que tu aimes l'Éternel ton Dieu, kima kusema upate kupenda wa milele Mungu wako, et que tu marches toujours dans ses voies, na utembee kila mara mumanjia yake, j'ajoutera encore trois villes à ces trois, à ces trois là, afin que le sang innocent ne soit pas répandu au milieu du pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Et que tu ne sois pas coupable de meurtre. Cette loi, ici était devant Israël. Mais dans son aveuglement, Israël a versé le sang d'un innocent, Israël d'un juste innocent, mutu mwenye haki wasipokosa, qui n'avait rien fait. Ula sikufanye kitu. Cet homme qui pouvait dire, ule mutu aliwezi hata kusema, qui peut m'accuser d'incrédulité? Nani anawezi kunistaki kutokuamini? Montre-moi là. Munioneshe pale. Ou moi, pale mimi, j'ai brisé la loi de Dieu. Nalivunja sheria ya Mungu ni wapi? Israël n'a pas compris. Israël asikuelewe. Dans Jérémie au chapitre 22. Muyeremia sura makumi mbili. Dans son verset 3. Mustari ya tatu. Ainsi parle l'Éternel. Ifi wa milele. Pratiquez la justice et l'équité. Mutumikie waki na unyofu. Découvrez, louper, délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur. Munyanganye munyonge mumikone wa te. Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. Musitese mugeni mu yani. N'usez pas de violence. Musimufanzie ukali. Et ne répandez point de sang innocent dans ces lieux. Mushimwange damu ya mtu asipokosa muhifadhi. Israël le savait. Israël alijua. Et même lorsque Pilate, le gouverneur, hata wakati Pilate huyu liwali, les interrogea le motif de leur accusation contre Jésus, wakati alibauliza sababu gani walimstaki Yesu, les Juifs étaient incapables wayuda bakwena uwezo de le répondre, bakwena uwezo ya kumujibu, et de lui donner la cause na kumpatia sababu qui le poussait à le tuer. Ile ilikuwa na basukuma bamuue abakwena hiyo. Ils n'ont pas répondu à la question de Pilate. Abakumujibu Pilato kuulizo yake. Dans Matthieu 27. Matayo makumi na saba. Parce que le gouverneur savait. Kwani liwali alijua. Que c'était pas l'envie qu'il était livré. Ya kwamba ilikuwa tu ni kwa buivu njo kule walimtoa. C'est vrai. Ni kweli. Commençons au verset 21. Tuanzie msara makumi na moja. Le gouverneur prenant la parole leur dit, Liwali akachukua sauti na kuambia, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ni nani kati yao wili munapenda ni miachilie yeye? Il répondit Barabbas. Wakajibu ni Barabbas. Pilate leur dit, Pilate akawambia, que ferais-je donc de ce Jésus? Sasa ntafanya nini? Qu'on appelle Christ. Na huyu Yesu banaita Kristo? Tous répondit, bote wakajibu, qu'il soit crucifié. Apate kusulubishwa. Mais regardez le verset 23. Sasa mangare mausari makumi mbili na tatu. Le gouverneur dit, Liwali akasema, mais, alakini, quel mal a-t-il fait? Alifanya kibaya gani? Et il criait encore plus fort, qu'il soit crucifié. Yeye asulubishwe tu. Ce n'était pas la réponse à la question. Il a quoi jibu kuulizo ya Pilato hapana. Pilate voulait entendre l'accusation. Pilate alipenda asikie mastaki ile baramstaki Yesu. La cause pour laquelle? Sababu yenyewe. Il voulait le tuer. Walipenda bamuue. Ils ont dit, walisema, il faut seulement le crucifier. Mais ils n'ont pas donné la réponse à Pilate. Ba musulubishe tu. Alakini bakumpatia jibu Pilato. Ils n'ont pas répondu à Pilate. Abakujibu kuulizo ya Pilato. Ils étaient remplis de fureur. Barikuwa wenye kuyala na kasirani. Contre quelqu'un qui n'avait rien fait. Bali musirikia mutu ula asikuwe na kosa. C'est pourquoi Pilate, voyant qu'il n'avait rien fait, que les gens, les juifs, faisaient trop de bruit, il demanda qu'on lui amène de l'eau. Il lava les mains en présence de tous. Et lui-même reconnaît, il dit, je suis innocent du sang de ce juste. Non, il n'était pas innocent. Pourquoi il n'était pas innocent? Il avait la décision de libérer Jésus ou de l'arrêter. Parce que c'est lui qui était juge. Il savait que Jésus était innocent. Il ne pouvait pas livrer Jésus par plaisir. C'est pourquoi le sang de Jésus était sur ses mains. Il avait le pouvoir de le libérer. Il ne pouvait pas se joindre aux méchants pour faire du mal. Tu sais faire ce qui est juste. Est-ce que tu ne le fais pas? Tu commets un péché. Dieu te donne l'occasion de prendre une bonne décision pour sauver quelqu'un. Et toi, tu ne le fais pas. Et tu vas prendre un bassin d'eau pour ôter le sang de ces derniers entre vos mains. Non. Tu connais la vérité. Unajua ukweli. Tu connais la parole de Dieu. Unajua neno la Mungu. Mais pour des intérêts charnels, ya mafaida tu ya mwili, vous piétinez la vérité. Unakanyanga ukweli. Et vous embrassez les fausses choses. Na unakumbatia vitu vya bongo. Mungu akuhesabie haki. Non. Hapana. Dans Luc au chapitre 23. Luka sura makumi mbili na tatu. Dans le verset 20. Musari ya makumi mbili. Jusqu'au verset 22. Kufika na makumi mbili. Pilate leur parla de nouveau. Na mbili. Pilate dans l'intention de relâcher Jésus. Munia sasa ya kumwachilia Yesu. Et ils crièrent. Na wao wakalalamika. Crucifie-le. Asulubishwe, umusulubishe. Pilate leur dit. Pilate akawaambia. Pour la troisième fois. Mara ya tatu. Ce n'était même pas une seule fois. Haikukua hata mara moja. Troisième fois. Mara ya tatu. Quel mal a-t-il fait? Ni kibaya gani kile anafanya? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Nishone mo kibaya hata kimoja kile anafanya kiaye kustahili kufa. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. Il n'avait même pas le droit de le châtier. Parce qu'il n'avait rien fait. Il voulait le châtier pour calmer la colère des juifs. Mais ils insistèrent à grand cri, demandant qu'il soit crucifié. Bakamuomba sema apate paka kusulubishwa. Frère, Ndoku, ma soeur, Dada Yangu, c'était un jour triste. Il kwa siku moya ya uzuni sana. C'était un jour horrible. Il kwa siku moya ya mbaya sana. ils ont commis l'iniquité. Walitenda uovu. Dans Zacharie. Muzakaria. Au chapitre 5. Zacharie sura 5. Dans son verset 6. Mustari ya. J'ai répondu Mustari. Qu'est-ce que? Nikajibu ni nini? Et il dit. Na akasema. C'est le fa qui sort. Ni efa njo inatoka. Le fa c'est la mesure. Manake ni mpango. L'unité de mesure. Ni kipimo. Il ajouta. Akaongeza. C'est leur unité, leur iniquité. Ni c'est leur iniquité. Ni uofu yabo. Dans tous les pays. Muinchi yote mzima. En d'autres termes, munamu nyingine ya kusema, ils ont rempli la coupe de leur iniquité. Bariaja kikombe ya uovu yabo. En tuant Jésus. Mukumuwa Yesu. Un innocent. Mutu wa kikosa. Un innocent. Mutu wa uachi. Sans cause. Bila kosa. Ils ont rempli la coupe de leur iniquité. Bariaja kikombe ya uovu yabo. Depuis lors. Tangia pale. L'iniquité d'Israël. Uovu ya Israeli. Fut marquée devant Dieu. Ikaonekana mbele ya Mungu. Et souvenez-vous. Na kumbukeni. Que Dieu ne peut jamais entendre la prière d'un inique. Mungu hawezi kamwe kusikia maombi ya mtu muovu. Car sa prière. Kwani maombi yake ya ule muovu. Est une abomination. Ni makufuru mbele ya Mungu. Frère. Nduku. Depuis ce temps-là. Tangia ile wakati ile. À l'an 33. Mwile mwaka wa 33. Lorsqu'ils ont répandu le sang innocent du juste, wakati bali mwanga damu ya mtu wasipokosa mtu wa waki, l'iniquité fut marquée devant Dieu, ikaonekana mbele ya Mungu, et Dieu n'a jamais entendu la voix d'un juif. Na Mungu aiba alikusikia, Dieu n'a jamais entendu la prière d'un juif. Mungu hawezi kama kusikia maombi ya Muyuda. C'est vrai, frère. Ndia kweli nduku. Quand tu commets l'iniquité, Dieu n'écoutera pas ta prière. Voilà pourquoi beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, ils viennent à la prière, ils sortent sans réponse. Jésus n'a-t-il pas enseigné? Quand tu es à l'autel, entre d'offrir. Nakutoa masadaka. Vous vous souvenez que vous avez un problème avec quelqu'un. Unakumbuka sima huku mambo na mtu fulani. Laisse d'abord wache ton offrande. Sadaka yako pale. Là à l'hôtel. Kule kumazabu. Va te réconcilier avec ton frère. Wende ukasikilizane na ndugu yako. Retourne maintenant. Kisha ndio utarudia. Et fais maintenant votre sacrifice. Ndio kwa kutoa sasa sadaka yako. Il y a beaucoup de frères et beaucoup de sœurs. Kuna ndugu mingi na wadada mingi. Il pense que Dieu est un magicien. Wazia sima Mungu ni wafanya magic. Quelle prière? Wakujibia kwa maombi yote yote. Vous avez dupé, vous avez commis l'iniquité. Ulitenda uovu. Même ton cœur se condamne. Ataro yako na kukumu. Vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Hauna musawa na Mungu. Au lieu de mettre ta vie en ordre. Bali ya kutengeneza maisha yako. Au lieu de vous repentir de votre iniquité. Bali ya kutubu uovu yako. Mais vous êtes là. Lakini vous voulez seulement offrir. Unapenda paka utoe sadaka. Parce que vous pensez que unawazia votre prière fera du bien à l'Éternel. Maombi yako itamfurahisha wa milele. Non, frère. Hapana nduku. Dieu ne répond pas au péché. Mungu ajibuake batenda zambi. Aussi longtemps que tu caches wakati yote un péché dans ton cœur, zambi muro yako, Dieu ne te répondra pas. Mungu hawezi kamwe kukujibia. Aussi longtemps qu'il y a l'iniquité dans ton cœur, wakati ile mkuovu Dieu ne te répondra yako, pas. Mungu hawezi kamwe. C'est ainsi que vous voyez les gens dans leur incrédulité, ils sont à l'église des années, des années, des années, des années. Ils se posent la question, pourquoi Dieu ne répond pas à mes prières? Dieu ne peut pas répondre à une prière d'un inique. Mungu hawezi kujibia maombi ya mtu muovu. un unique fait sa prière devant Dieu, c'est une abomination. C'est vrai, frère. Bia kweli ndugu yangu. Dans Psaume. Zaburi. Quand j'ai prié. Niku naomba. Mais je ne vois rien. Mishi pate kintu. Toi, tu caches l'iniquité. Dieu va te répondre comment? Tu entends la parole, tu ne fais rien. Tu continues dans l'iniquité. Psaume 66. Zaburi 66. Verset 18. Mustari ya 19. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, kama nalitunga uovu mu moyo wangu, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mungu angewezi kunikubali, kunisikilia. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, kama nalikuwa na uovu mu moyo wangu, le Seigneur Bwana ne m'aurait pas exaucé. Angewezi kunikubali. Dans Proverbes au chapitre 18. Mezali 28 s'il vous plaît. Mezali 22, chapitre 28, sura 22, dans son verset 9, Misari, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, kama mutu akitosha sikio yake anakatala kusikia sa prière même est une abomination, na maombi yake nyewe ni makufuru. Tu sais que haïr quelqu'un est un péché? Unajua sema kuchukia mutu ni zambi. Mais toi, tu as des gens que tu es dans ton cœur. Mais tu veux que ta prière soit exaucée. Tu sais que commettre l'adultère, c'est un péché. Mais toi, tu viens à peine de commettre l'adultère. Mais tu veux quand même que ta prière soit exaucée. Voilà les interdits qui suivent même l'église. Ils ont tué un homme sans problème. Un innocent. Et Dieu n'a jamais exaucé la prière des Juifs. Na Mungu yeba laka kukubali maombi ya Muyuda hata moja. C'est pour cela que vous verrez. Jo komana mutaona. Depuis qu'ils ont tué Jésus, qu'ils l'ont crucifié, tangia balimuua Yesu na kumsulubisha, Titus est venu le massacrer. Titus alikuwa naye kubamaliza. Et jusqu'aujourd'hui, kufika na leo, leur prière n'est pas écoutée. Maombi yabo Mungu asisikilize. Ils sont dans la désolation. Beko katika ole. Ils sont dans l'opprobre parmi les nations. Banapatishwa haya katikati ya mataifa. Ils sont haïs de tout le monde. Banabachukia kwa watu bote. C'est vrai, frère. Bia kweli ntuku. C'est vrai, ma soeur. Bia kweli dada. L'iniquité n'est pas une bonne chose. Uovu haina kitu kizuri hapana. L'iniquité nous empêche d'être en contact avec Dieu. L'iniquité empêche nos prières à être exaucées par Dieu. L'iniquité fait que nos prières deviennent une abomination devant Dieu. Israël le savait. Israël a l'idjoua. Ils ont versé le sang innocent. Lakini balimwanga damu ya mutu asipokosa. Mais ils l'ont fait dans leur aveuglement. Lakini balifanya ni mubupofusho yabo. Walikuwa wenye kupofushwa. Pendant que Dieu lui-même les avait aveuglés. Ni wakati le Mungu yeye mwenyewe alibapofusha. Et lorsque Israël retourne dans son pays. Wakati le Israël anarudia mwinchi yake. Cette fois-ci. Apa sasa. Il reconnaîtra sa faute. Atatambua kosa yake. Et Dieu leur pardonnera l'iniquité. Na Mungu atabasame uovu yabo. Cette fois-ci, mara sasa, il est venu pour la première fois. Alikuja mbele mara ya kwanza. Comme ils étaient aveugles. Vile walikuwa bapofu. Bien qu'ils savaient que répandre le sang d'un innocent était un péché, néanmoins ils l'ont fait. Ils ont commis l'iniquité. Dieu s'est fâché contre eux. Mais cette fois-ci, lorsqu'il reviendra à la montagne de Sion, là ils les reconnaîtront. Et Dieu mettra fin à leur iniquité. Dieu Mungu se pardonnera. Atavasame. C'est vrai. Nikweli. Dans Jérémie au chapitre 3. Jérémie sura 3. Jérémie au chapitre 3. Jérémie sura 3. Dans son verset 12 à 13. Musari ya 12. Va. Wende. Crie ces paroles vers les septentrions et dit. Ulalamike. Reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère. Car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Wani mimi ni warema hivi wa milele anasema. Je ne garde pas ma colère à toujours. Nitachunga kamwe kasirani yangu kwa lote. Reconnais seulement ton iniquité. Weye utambue tu uovu yako. Reconnais seulement ton iniquité Israël. Utambue tu uovu wako wewe Israeli. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu. Utambue ya kwamba ulikosa uaminifu mbele ya wa milele Mungu wako. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. C'est vrai, ma sœur. Ni kweli dada yangu. Dieu Mungu aime anapenda tout homme qui reconnaît son iniquité. Mtu wote ule kunatambua uovu yake. C'est ce que Dieu demande à Israël. Dieu qui le Mungu anamuomba Israeli. Ils reconnaîtront leur iniquité. Watatambua uovu yabo. Cette fois-ci, lorsque Christ reviendra. Mara hii sasa wakati ile Kristo atarudi. Là, ils reconnaîtront. Pale njo watatambua. Dans Zacharie. Zacharie. Au chapitre 13. Sura 13. En ce jour-là, mouile siku, une source sera ouverte chemu chemu moya itafungurika pour la maison de David et les habitants de Jérusalem. Kunyumba ya Daudi na kubakaji wa Yerusalema. Pour le péché et pour l'impureté. Kwa ajili ya zambi na kwa ajili ya uchafu. En ce jour-là, mouile siku, dit l'Éternel des armées, wa mileli wa majesi anasema, j'exterminerai du pays les noms des idoles, tamaliza muinchi majina ya sanamu, afin qu'on ne s'en souvienne plus, ili wasi kumbuke tena, j'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Taondosha muinchi nabi na roho ya uchafu. Si quelqu'un prophétise encore, kama mtu akitabiri tena, son père et sa mère, baba yake na qui mama l'ont yake, engendré, lui diront, wale wali musa watamwambia, tu ne vivras pas, hautaishi tena, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. Kwani unasema uongo mujina wa milele. Et son père et sa mère, na baba yake na mama qui l'ont engendré, wale wali musa, les transperceront quand il prophétisera. Wakati ile atatabiri. En ce jour-là, mwile siku, les prophètes rougiront manabi takasirika de leur vision. Batapata haya kwa ajili ya quand ils prophétiseront, wakati ile watatabiri, et ils ne se revêtiront plus d'un manteau de poils pour mentir, comme on le voit aujourd'hui dans toutes les dénominations et dans tous les groupes du message qui ont déjà dévié de la parole, qui ont des fausses prophéties. Chacun te dira, Kila mmoja wao atasema, je suis pas un prophète. Mimi siko nabii. Je suis un laboureur. Mimi ni kutu mkulima. Car on m'a acheté de ma jeunesse. Kwani walinunua tangia utoto wangu. Si on lui demande, kama wakimuuliza, d'où viennent ces blessures? Et tu as en main, il répondra. Hivi dondo kuna hiyo mikono vinatokea wapi? Atajibu. Dans la maison de ceux qui m'aiment, que je les ai reçus. Yakwamba hivi donda na libipata munyumba ya bale walinipenda. Dans le verset 7. Mstari ya 7. Épée, lève-toi sur mon berger. Weyo mpanga ulamuke yulu ya. Et si l'homme qui est sur mon compagnon dit l'Éternel des armées. Na yulu ya mtu ula ananisindikiza hivi. Frappe le berger. Upike mchungaji. Et que les brebis se dispersent. Na kondo izambalale. Et na, je tournerai ma main vers les faibles. Nageuza mkono yangu kwa wadhaifu. C'est vrai. Ni kweli. Je tournerai ma main vers les faibles. Nageuza mkono yangu. Qui sont les faibles? Wadhaifu ni banani? Ce sont les 144,000. Ni wale ba 144,000. C'est vrai. Ni kweli. C'est vrai, ma sœur. Ni kweli, dada yangu. Ce jour-là, il est si cool. Lorsqu'ils reconnaîtront leur iniquité, wakati ile watatambua uovu yabo, ils se repentiront. Watatubu. Et Dieu, na Mungu, Jésus-Christ, Yesu Kristo, tournera ses mains atageuza mkono yake vers le faible pour les accueillir. Mbele ya wadhaifu ja kuwapokea. Oui, bien-aimé frère. Ndio ndugu mpendwa. Oui, bien-aimé sœur. Ndio dada mpendwa. Et Dieu le fera dans la dernière partie, dans la dernière semaine, de ce temps semaine de Daniel. Il va se réconcilier avec eux. Ils vont se réconcilier avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils avaient commis l'iniquité pendant que Dieu lui-même les avait aveuglés. Mais lorsqu'ils les reconnaîtront à la montagne de Sion, alakini wakati ile watamtambua pa mlima ya Sayuni, Dieu tournera ses mains. Mungu atageuza macho mikono yake. Pour recevoir les 144,000. Wale ba 100,000. Ils les reconnaîtront. Watamtambua. Et là, na pale, il fera cesser leur iniquité. Uovu yabo ataisimamisha. C'est vrai, frère. Nikweli, nduku. Ils ne répandront plus le sang d'un juste innocent. Ya mutu mwenye yaki, ils l'ont fait parce qu'ils étaient aveuglés. Bali ifanya kwani, bali pofushwa. Mais cette fois-ci, sasa hii mara hii, ils ont été châtiés. Bali baapiza. Ils ont reconnu leur iniquité. Bali tambua uovu yabo. Et na, Dieu est prêt maintenant. Mungu ako tayari sasa. À leur accorder leur salut. Wapatia wokovu yabo. Leur pardon. Vous voyez, munaona, dans les 70 semaines de Daniel, mumaubiri majuma makumi saba ya Danieli, les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel, bifukuzio sita bia kutembelea kwa malaika Gabriel kwa Daniel. Branham interprète le qui tu es dit. Ndugu Branham anafasilia andiko na kusema hivi. Expier l'iniquité. Kuondosha uovu. C'est faire du mal. Ni kufanya vibaya. Comme ils l'ont fait avec Jésus à la croix. Paka vile walifanya vibaya na Yesu kumusalaba. Il a fait une expiation. Alifanya ondoleo. Je suis au paragraphe 86, vous allez jusqu'au paragraphe 93. Mwe mufike na makumi tisa na tatu. Moi j'ai lu au paragraphe 86. Mais vous irez jusqu'au paragraphe 93. Il a fait une expiation. Alifanya ondoleo. Mais elle ne leur a pas été appliquée. Alakini ile ondoleo haikuwa saidie. Elle ne leur a pas été appliquée. Abakuitumie. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'ils étaient aveuglés. Kwani bao bali wafunya kuwa babipofu. Vous voyez? Unaona? Ils ne pouvaient pas le voir. Abakuwezi kumuona. Ils ne pouvaient pas voir Jésus-Christ. Que c'était leur Messie. Ils le prenaient pour un aventurier. Parce qu'ils étaient aveuglés. Vous dites, Munasema. Eh bien, peut-être aujourd'hui, ça zingine leo. Je suis aveugle. Ça zingine na mimi leo niku kipofu. J'ai fait ça parce que je suis aveugle. Unafanya bibaya juu niku kipofu. Non. Hapana. Vous êtes volontairement aveugle. Uko kwa wewe mwenye kipenda roho yako kipofu. Eh, bo. Était aveuglé. Bali pofushwa. Parce que Dieu les avait aveuglés. Kwani Mungu ndio alivyofanya kuwa vipofu. Mais vous, lakini mwei, si vous êtes aveugle, kama Mungu vipofu, c'est volontairement que vous l'êtes. Ni kwa kusudi mwe wenyewe mnafanya. Et pour vous, kwenu mwei, il n'y a pas d'expiation. Hakuna ondoleo ya zambi. Du côté de nation, ngambo ya mataifa, Dieu n'aveugle personne. Mungu ashipofushe mutu. Il va t'aveugler pour quelle raison? Atakufanya kwa kipofu juu ya sababu gani? Il les a aveuglés. Alivapofusha. C'est pour que le salut soit accessible aux gentils. Ipate kufikia watu wa mataifa. Il a fait par amour. Alifanya kwa mapenzi. Toi, il va t'aveugler pourquoi? Sasa wewe atakupofusha kwa ajili ya nini? C'est pour qu'Israël. Ni juu ya Israel naye? Entre. Apate kuingia? Hapana. Israël. Israeli. Est aimé d'un amour éternel. Anapendwa na mapendo ya milele. Je vais continuer. Nitaendelea. Dieu lui-même dit. Mungu yeye mwenyewe anasema. Dans Isaïe 49. Isaïe 40. Quand il parle d'Israël. Isaïe 49. Ya Israeli. Écoutez. Sikilizeni. Isaïe 49. Isaïe sura 40 na 9. Dans son verset 16. Musara 40. Voici. J'étais gravé sur mes mains. Tazama nariku chongola mu mikono yangu. Tes mains sont toujours devant mes yeux. Maukuta yako iko kila mara mbele ya macho yangu. Israël est gravé dans les mains de l'Éternel. Israël wana muchongola mu mikono ya wa milele. Et le mur de Jérusalem, même si c'est consumé. Na maukuta ya Yerusalemu ata vile walichoma. Sont toujours devant Dieu, kila mara devant les yeux de Dieu. Kumbele ya macho ya Mungu. C'est-à-dire, manake, hakuna namna inyapa moyen. Mungu apate kumusabu Israël. Que Dieu puisse dire Israël. Est-ce que toi et moi, tu es gravé dans les paumes des mains de l'Éternel? Sommes-nous gravés dans les mains de l'Éternel? Et tu vas nous tchongolo mikono ya wamilele? Vous voyez, frère. On a un anduku. Dans Esaïe 54, Moïsaïa, makumitano na ine, dans son verset 7 à 3, Moïsaïa, sabana, disons cela. Frère, Duku, ne vous comparez jamais avec Israël ou Nalanda. Moussidiringanishe na Israël, là vous vous trompez. Oh Dieu a dit à Israël, je suis Israël spirituel. Achabongo, achabongo. Là tu mens, cesse de mentir. Toi tu es un petit chien à qui Dieu a fait grâce. Profitez ta Mungu anakupatia hapana kutanka tanka huku na huku. Profitez du temps que Dieu t'a donné, il ne faut pas être. Reste la grâce du Seigneur. Bakie munema ya Mungu. Et tu verras la grâce, et tu verras la gloire du Seigneur. Utaona utukufu wa Mungu. Esaïe 54. Isaïe sura 54. Verset 7 à 8. Musaria 7. Dans quelques instants, je t'avais abandonné. Mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Dit ton rédempteur, l'Éternel. Hivi mkombozi wako wa milele anasema. Est-ce que l'église comprend cela? Eti kanisa inasikia ile? C'est avec un amour éternel. Ni na mapendo ya milele. J'aurai compassion de toi. Na kushikiria kabuluma. C'est vrai, frère. Nibia kweli ndugu. Quand vous lisez. Wakati dans Psaume 30 verset 8. Zaburi 38:8. Dieu dit. Mungu anasema. Que c'est moi. Ya kwamba ni mimi. Qui rachètera Israël. Mimi de toutes ses iniquités. Lisez cela. Mimi ndio tamkomboa Israël. Psaume 30 verset 8. Wovu yake yote. Zaburi il dit dans Exode chapitre 4 Toka, dans son verset 22 Israël est mon fils Israel, mon premier né mwana wangu, mzaliwa wangu wa kwanza. Frère Ntuku, les relations d'Israël avec Dieu ya Mungu na ne sont pas nos relations avec Dieu. Aina pamoja na mapatano yetu, nous les gens Mungu, sisi wa mataifa. Juanze huko unalewa, unakula unalewa, unaona sema vitu vyote vitakuwa bien. Porque tu commences à manger ta nivre, tu croiras que toutes les choses iront bien. Quand vous lisez, dans Zacharie 3, dans son verset 9b, Dieu lui-même dit, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un seul jour. Usiku moja tu, taondosha hii uovu ya mwinchi. Ça c'est Zacharie 9, chapitre 3. Dans son verset 9, Dieu lui-même promet cela. J'enlèverai l'iniquité de ce pays en un seul jour. Musiku moja tu. Toi tu gardes l'iniquité. Duku nachunga uovu. Tu as de telles promesses. Uko na malako ya hivi? Non frère. Hapana ndugu. Abandonne l'orgueil. Wache kiburi kibengo. Repens-toi de l'iniquité. Utubu uovu yako. Et na, le Seigneur te fera grâce. Bwana Mungu atakufanyia neema. Ne te compare pas avec Israël. Wewe usijilinganishe na Israeli. Lui Dieu revient à lui. Yeye Mungu atamrudiria Israeli. C'est Dieu lui-même qui l'a. Il a aveuglé. Kwani ni Mungu yeye mwenyewe alimfanya kwa kitu. Sasa Bwana amedisi. Kama na ndugu Bwana anasema hapa. Mais vous. Alakini mwenyewe. Si vous êtes aveugle. Kama Mungu vipofu. C'est volontairement. Kwa kusudi. Que vous l'êtes. Ndio Mungu vipofu. Kwa kipendaro yenu. Il n'y a pas d'expiation. Hakuna ondoleo wa dhambi. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Ndio kweli dada. Et frère Branham prend l'écriture que nous allons lire ici. Dans Zacharie 13. En ce jour-là, une source sera ouverte dans la maison de David. Et pour les habitants de Jérusalem. Pour le péché et l'impureté. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures qui est dans ta main, il répondra. C'est dans la maison de ceux qui m'aiment que je les ai reçus. Et paix, lève-toi sur le pasteur. Vous voyez? Et l'homme sur l'homme qui est mon compagnon. Na, il est un des armées. Yulu ya ule mutu mwenye kwa mshirika wake. Frappe le pasteur. Pika mchungaji. Et les brebis se disperseront. Na wakondolo watasambalala. Et je tournerai ma main vers le petit. Na tageuza mikono yangu mbele ya wadogo wa dhaifu. Écoutez comment faut banama te répéter maintenant cette question. Dilizeni namna kani ndugu banama na fasilia ya ndiko. Or Jésus. Japo Yesu. A cité ce passage de l'Écriture. C'est dans Matthieu 26, 31. Frappe le berger et les brebis se dispersent. Mais remarquez le paragraphe suivant. Il avait seulement cité jusque-là. Mais remarquez ce qui est dit dans la phrase suivante, dans la partie suivante. Je tournerai ma main vers les petits. Qu'est-ce? Ni banani? C'est le groupe de Benjamin. Ni kundi ya Benjamina. Qui est en train de se former maintenant. Il est qu'on a dit tunga psasa. Je tournerai ma main vers le petit. Tageuza mkono yangu kwa badogo. Frappe le berger. Pika mchungaji. Israël. Israeli. D'abord, Israël a frappé le berger. Kwanza kwanza Israeli alimpika mchungaji. Ce qui a dispersé Joy les brebis par de par le monde entier. Quand Christ a été tué au bois du calvaire, Titus est arrivé en l'an 70. Il a dispersé tout Israël dans le monde entier. Mais Dieu a dit, je tournerai ma main pour aller chercher ce petit au dernier jour. Quand l'iniquité aura été expiée, et quand est-ce que l'iniquité sera expiée, c'est lorsque Israël à la montagne de Sion, reconnaîtra son Messie. Voyez, demandera pardon, atalomba kabuluma, pleurera, ataliaka, se repentira, nakutubu. Lui Dieu, yeye Mungu, est riche en miséricorde. Et comme tajiri murema, il les pardonnera. Atawasame, il leur dira. Atawambia, je ne t'ai pas fâché pour toujours. Mishiku mishirike kwa lote. Bien que vous avez commis l'iniquité. Atavile muritenda uovu. Vous m'avez tué. Muliniua. Sans cause. Bila sababu. C'est moi qui vous avais aveuglé. Mimi njona limepokuja. J'ai bien maintenant. Nakuja sasa. Pour expier votre iniquité. Jakondosha uovu wenu. Et Israël. Na Israeli. Ne commettra plus d'iniquité. Atatendaka tena uovu. Et Israël. Israeli. Se réconciliera avec son Dieu. Atapatanishwa na Mungu. La seule manière. Na mtu d'un homme de se réconcilier avec son Dieu, c'est de se repentir de son iniquité. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Il y a des frères et des soeurs. Ils vivent dans l'iniquité des années et des années. Miaka na miaka. Des années et des années. Miaka na miaka. Unaisha kujua sema hivi mtu ni vibaya. Useke seke tufe la ne. Mungu anaisha kunikataza. Tuwe la jani perdi. Na kanisa wana nifundisha kabio. Ewe maleglizo mla tujuru ansenye. Tu le sais. Unaijua. Me pukwa tu le fe. Sasa juu ya nini unaitenda. Pukwa chikome inikite. Juu ya nini unatenda uovu. Eka chikome inikite. Unatenda uovu. Sina mimi pa la force. Auna atana nguvu. De se repentir. Yawe kutubu. Et ensuite tu diras, Nakisha, utasema, Dieu me pardonnera comme Israël. Mungu ataniurumia sawa Israeli. Non. Apana. Toi c'est ton orgueil. Wewe ni kiburi yako. C'est par ton orgueil. Ni kupitia kiburi yako. Que tu commets l'iniquité. Ndio pale unatenda uovu. C'est pourquoi Dieu ne te pardonne pas. Kwa maana Mungu hawezi kusamehe. Il n'y a pas de situation pour toi. Hakuna ondoleo ya dhambi kwako wewe. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Unachambula bantu. Tu insultes les gens. Et tu ne te réponds même pas. Autubu atakutubu. Ou qu'on a fait bien tout. Mon corps, m'en fous. Tu fais des choses à volonté. Et tu penses que Dieu va te pardonner. Nawazia sa Mungu atakusame. C'est ainsi que vous remarquez. Yo pale mutaona. Dans votre propre vie. Mumaisha yako mwenyewe. Depuis que tu fais l'iniquité. Tangia ile unatenda uovu. Tu pêches volontairement. Unatenda zambi kwa kusudi. Tu fais semblant d'oublier. Semblant ya kusabu. Tu penses que Dieu est un homme. Unawazia sa Mungu il a oublié ton péché. Anasabu zambi et tu penses que les jours unawazia sema siku feront oublier à Dieu ce que tu as commis. Masiku mingi ile napita na mtabushisha Mungu bila urutenda. Non, frère. Apana dada. Aussi longtemps que tu ne te réponds pas, yote ila utubu ile ton iniquité demeurera devant toi. Uovu yako itendelea kuwa mbele yako. Et Dieu na Mungu ne te pardonnera pas. Hasta kurumia yo. Et ta prière ne sera jamais que soit exaucée. Tu diras pourquoi je ne change pas. Mais pour ma petite changer pendant que tu gardes l'iniquité. Oui, Bibi Wando, qu'on a ici sans doumba. Toi, une femme mariée, tu vis comme une prostituée. Tu es très têtu. Tu n'as aucun respect à l'égard de ton mari. Auna na heshima hata kidogo mbele ya bwana yako. Bien que tu sais. Ta vile unajua. Que la femme. Ya kwamba bibi. Doit être soumise dans toute chose. À son mari. Mukila kitu mbele ya bwana yake. Bwana yako nalie na kulia. Na we ndio nasema mimi namuyambishi. Le mari c'est même à pleurer, tu dis ah, je l'ai fait vraiment, il a senti. Tu vas payer. Ou t'allies pas. Tu es en train de maltraiter ton épouse par ton orgueil. C'est ce que tu fais là. N'est pas bon, tu maltraites la femme. La femme adore avec un cœur vraiment contrit. Tu payeras au talipa. Tout ce que tu fais, volontairement, sachant que c'est mauvais, c'est l'iniquité, et quand tu commets une iniquité volontairement, je ne te pardonnerai pas. Oui, frère. Tu t'absentes à l'église comme ça volontairement. Pendant que la Bible dit ouvertement que celui qui pêche volontairement ne sera pas pardonné. La Bible dit à Hébreu que la santé de l'église sans cause valable est un péché impardonnable. Mais quand tu continues à t'absenter et tu fais que Dieu te donne le Saint-Esprit, offre dans notre église, il n'y a même pas un palais en langue, dans notre église, il n'y a même pas une prophétie, Dieu va utiliser un homme unique, une femme unique. Je travaille avec les saints. Non, frère. Non, ma soeur. Reconnais ton iniquité. Et repends-toi. Mais quand tu fais des choses volontairement, vous n'êtes pas Israël. Oui, j'aime que l'Église comprenne cela. Israël, nous ne sommes pas Israël. Nous n'avons pas une alliance. Nous n'avons pas avec Dieu une alliance comme celle qu'il a fait avec Abraham, avec Isaac et Jacob, avec Israël. Non. Les enfants de Dieu. Vous péchez même dans la grâce. Vous commettez l'iniquité même dans la grâce. C'est de la méchanceté. Qu'est-ce que ça fera? Qu'est-ce que ça fait? N'est-ce pas Dieu aussi a pardonné, a expié l'iniquité d'Israël? Toi, tu le fais par orgueil. Devant Dieu, il n'y a pas de grains de petits péchés. L'iniquité reste l'iniquité. Tu sais ce qui est bien, mais tu refuses de le faire. Tu viens à l'église. Tu sais que Dieu. Il descend dans la louange. Vous voyez, quand les gens chantent avec joie, tu viens à l'église. Tu commets l'iniquité. Et comment Dieu va te bénir? Comment Dieu va répondre? Oh frère, mi comme toi wa Mungu, mi naomba sana, mi na kesha sana, j'ai tellement veillé, mi na kesha sana, mi na gêné, j'ai tellement gêné, mi na si contrôlé, mais mi chez ton amour pour Mungu, pourquoi ma ombi yango ifike? Aucun problème avec Dieu. Pourquoi ma prière n'est pas exaucée? On attend à Wofu. C'est pourquoi Dieu n'exauce pas ta prière. Comme na Mungu asikubali maombi yako. Vous voyez frère, après que Dieu ait arrêté les transgressions d'Israël, il met fin à son incrédulité et il expie aussi son iniquité. Ils l'ont tué sans cause. Balimuua bila sababu. Parce qu'ils étaient aveuglés. Kwani balipofushwa. Ne faites jamais des choses avec mépris. Musifanye kamwe vitu na kibengo na yauri. Vitafanya nini? Kesa vitafanya nini? Kesa fe. Kama inafanya hivi vitafanya nini? Kesa si kesa fe. Kama na niwa kumpaka na vitafanya nini? Si umepuze pare mpayen, kesa fe. Vitafanya quelque chose. Safera kitu fulani. Kama na wampagano, vitafanya nini? Safera quelque chose. Je pousse une paire, qu'est-ce ça fait? Continue à t'absenter. Continue à t'absenter. Il est kulofu yako, il est kile itafanyika. Ton absence là, c'est ni kwenda kukanisa kila siku, kila shida, kila siku, kila siku njobu Kristo. Est-ce que c'est aller à l'église tous les jours? Oui, kwenda kukanisa kila siku, kila siku njobu Kristo. Oui, oui, aller à l'église tous les jours. Ndio uwe mandiko. Depuis que tu ne connais pas les écritures. Uko mkiburi yako, tu es aveuglé par ton orgueil. Unapofusha mkiburi yako. La Bible dit. La Bible inasema. Ils étaient assidus au temple. Tous les jours. Par quoi nabidi ya kwenda kanisa kila siku? Au somak. Tu ne lis pas. Ouais bien mes frères. On a tout compendwa. Lorsque tu sais ce qui est bien. Wakati unajua kutenda kizuri. Et que tu le fais pas. Na ukitende. Tu commets l'iniquité. Unatenda uovu. Et quand tu commets l'iniquité. Wakati unatenda uovu. Tes prières. Maombi yako. Ne peuvent jamais être exaucées. Hayezi kubaliwa kamwe. Parce que tes prières. Wani maombi yako. Et une abomination. Ni makufuru mbele ya Mungu. Mbele ya Mungu. Que le Seigneur vous bénisse pour ce soir. Mwana Mungu aimbariki juu ya magharibi ya leo. Tusimame juu ya maombi. Que celui qui a des oreilles. Mwenye kwa na masikio. Entende ce que l'esprit. Asikie kile roho. Dit à l'église. Anasema kukanisa. C'est vrai frère. Ndiyo kweli nduku. Mais quand il reviendra pour Israël. Wakati atarudiaka juu ya Israeli. C'est pourquoi Israël rentre. Je komana Israël anarudia. C'est pour que son iniquité. Ya uovu yake. Soit destillé. Pate kondolewa. Oui. Dio. Tu as promis à ces faibles. Mungu alilaka kwamba ni mtaifu. Qui va encore les tendre ses mains. Ya kwamba atawanyolosha mkono. C'est vrai. Ndiyo kweli. Prions. Tuombe. Seigneur Jésus.